pris la route un matin de printemps pour rencontrer le vent. Et j'ai cueilli la lumière sur une frontière. J'ai rencontré une foule d'enfants qui ne savaient que faire. Je leur ai prêté un morceau de mon temps. Je ne suis plus seul dans ma tour, qu'est-ce qu'on va faire du jour? Ils m'ont dit d'oublier ce qui déjà était créé. Je suis reparti plus loin que l'infini et plus loin que la vie. On faisait brûler les fusils pour chauffer la place du marché. De grandes fleurs blanches poussaient sur les canons. On ne croyait plus à la soif du désert et au feu de l'enfer. La peur de la peur n'était plus dans les cœurs. Je ne suis plus seul dans ma tour et je sais dire bonjour. Bonjour. J'étais revenu vous raconter tout ce que j'ai vu. Je suis reparti plus loin que l'infini et plus loin que la vie. Je reprends la route un matin de printemps pour rencontrer le vent. Et j'ai cueilli la lumière sur une frontière.